si tu rencontrais par hasard un maçon et un charpentier rénovant un château bulgare. Depuis 1000 ans désenchanté, il te dirait que Dieu est mort sans avoir jamais existé, et que la grande horloge tourne et n'a pas besoin d'horloger. Il t'ouvrirait peut-être encore les lourdes portes d'un tombeau où le grand architecte dort ensanglanté dans son manteau. Et si tu n'es pas assez fou pour t'initier à leurs secrets, il te laisserait vivre à genoux et jamais il ne te dirait que dans une autre vie tu étais roi barbare. Tout autour de ton lit des chandelles en j'étais un roi barbare. Que dans mes écuries, mes plus beaux chevaux noirs attendaient que la guerre m'appelle à d'autres jeux. Et dans cette autre vie, que j'étais heureux. Par hasard un maçon et un charpentier rénovant un château bulgare. Depuis 1000 ans désenchanté, il te dirait que tu es mort il y a des siècles de ta vie, que le ciel se souvient encore parfois de ton tout dernier cri. Et pour finir, il t'ouvrirait la grande Bible des païens, le livre où dorment les secrets de l'âge d'or qui fut le tien. Et si tu n'es pas assez fou pour t'initier à leurs secrets, il te laisserait vivre à genoux et jamais il ne te dirait que dans une autre vie tu étais roi barbare. Tout autour de ton lit des chambellans bizarres te versaient dans des coups un flot de raisin bleu. C'était une autre vie, c'était un autre lieu. Que dans une autre vie, tu étais roi barbare. Et dans tes écuries, tes plus beaux chevaux noirs attendaient que la guerre t'appelle à d'autres jours. Et dans cette autre vie, tu étais heureux.